Et mes toussaint imité pour vous assurer la mise en onde, bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce 17 décembre 2020, dont voici d'abord le sommaire. Les industriels sont appelés à investir dans le secteur minier. Cet appel est du chef de l'État ce vendredi lors de l'ouverture du 3e salon industriel du Burundi. La ministre de la Justice appelle la population dont leurs procès ont été injustement exécutés de porter recours au sein du ministère de la Justice pour que ce dernier intervienne. La ministre Jeanine Nibidzi l'a dit ce jeudi devant la chambre basse du Parlement. Et les travaux de construction des barrages hydroélectriques arrivent à un niveau satisfaisant, a annoncé le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines lors de la présentation des réalisations du premier trimestre de 2020-2021. Débutons ce journal par la page Société. Rapatriement le soir de ce mercredi de près de 900 réfugiés burundais en provenance du Rwanda. Ils ont été installés au site de transit de Kinazi en province Muyinga. Le retour des enfants sur le banc de l'école juste au début du deuxième trimestre. C'est ce que la direction générale en charge du rapatriement conseille aux Burundais rapatriés. Des enfants parmi ces rapatriés souhaitent aussi poursuivre leurs études au pays. Reportage signé Dieudonné Nzeyman. Telles sont des acclamations des rapatriés burundais quelques minutes après leur arrivée dans le site de transit de Kinazi, commune Muyinga. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés les félicite pour ce qu'il qualifie de bon choix. Vous avez bien fait de penser à votre retour parce qu'on n'est jamais bien que chez soi. Des doléances diverses quand ils pensent déjà à la réinsertion. Les enfants pensent au retour sur le banc de l'école. Celui-ci indique vouloir continuer ses études. Si la chance me sourit, je reprends ma classe, laisse entendre une fille la quinzaine d'années. C'est la direction générale en charge du rapatriement qui s'occupe de la quête des 858 Burundais qui viennent de regagner le pays. Antoine Nilandekura invite ses rapatriés à se joindre à d'autres Burundais pour les travaux de développement et de rassurer. Les directeurs des établissements scolaires vont accueillir à bras ouverts tout enfant scolarisé muni d'un document délivré par la direction en charge du rapatriement. Jusque là, l'on se servait du site de transit de Songolé en province Ngozi. Vu l'effectif des Burundais accueillis mercredi, il a fallu un espace non exigu, d'où le choix d'Okinazi. Dieudonné Nzeimana, d'Okinazi, pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana de Muyinga Randono à Bubanza, où les habitants de cette province ne sont pas suffisamment sensibilisés en matière de solidarité. Cela se remarque même chaque dernier samedi du mois de juillet où les aides collectées pour les vulnérables sont en très petite quantité. Cela a été dit par le conseil social du gouverneur de cette province. C'était ce mercredi lors d'une réunion de sensibilisation sur le fonds d'appui à la protection sociale et d'État avec Spes Caritas Cabanyana. Cet élément qui n'est pas bien monté, on va y revenir. Quelques brèves pour continuer ce journal. Les noms habitant la colline Minago en commune et province de Rumonge est dans les mains de la police de Rumonge depuis 20 heures de ce mercredi. Eli Lusoya, chef de zone Minago, dit que de qui nous devons cette information, indique que le comité mixte de sécurité à la tête duquel le chef collinaire de Minago a procédé à cette arrestation sous mandat d'arrêt sorti par le procureur de la République à Rumonge. Une arrestation intervenue 5 jours après la sortie de ce mandat. L'homme recherché ayant depuis lors décidé de vivre en clandestinité. Cet homme de 37 ans est accusé d'avoir violé une jeune écolière de 16 ans, actuellement à la maison pour cause de grossesse, selon le chef de zone Minago. Un corps sans vie d'un nouveau-né emballé dans un sachet a été trouvé par les passants ce matin à la 5e transversale de Gihanga, dans une plantation d'eucalyptus. Selon les administratifs locaux, ce corps aurait été déposé par un inconnu au cours de la nuit dernière. Ce corps a été inhumé. La police, en collaboration avec l'administration, disent avoir déjà entamé les enquêtes. Les défenseurs des droits des enfants au sein du FENADEB à Gihanga demandent que les enquêtes soient faites afin que le coupable soit sanctionné conformément à la loi. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le chef de l'État appelle les industriels à investir dans le domaine minier afin d'exporter les produits finis de cette matière première. C'est un appel lancé ce jeudi lors de l'ouverture du 3e salon industriel du Burundi. Le président Évariste Ndayishimiye invite la communauté internationale à appuyer les initiatives du gouvernement en matière de développement. Suivez le chef de l'État Évariste Ndayishimiye. Un clin d'œil pour les opérateurs économiques, il faut savoir comment avoir des crédits auprès des banques. Il y a toujours des Burundais qui ont peur de contracter des crédits auprès des banques commerciales, de peur de tomber en faillite. J'invite les Burundais à commencer à investir dans le secteur minier. Tous les opérateurs qui veulent opérer dans ce domaine veulent exporter uniquement sans toutefois transformer. S'ils exportent sans transformer, il n'y a pas de gain pour le pays. Ce serait mieux de transformer cette matière première ici et exporter après les produits finis, car même les Burundais auront trouvé du travail dans ces entreprises. Les Burundais, que nous investissons aussi dans le secteur touristique, car il y a beaucoup d'investisseurs qui craignent encore opérer dans ce domaine. Les touristes ne viendront pas au pays s'ils n'ont pas là où loger. Vous devez savoir qu'il doit y avoir des hôtels pour que les touristes viennent. Brisez la peur, si vous ne les voyez pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas là où loger. Pour ceux qui sont dans le secteur agroalimentaire, qu'ils commencent à transformer et produire plus. La population est à l'œuvre. De notre part au gouvernement, nous vous rassurons que l'État doit vous garantir la paix et la sécurité ainsi que la libre circulation de la population pour que tous travaillent dans la tranquillité et que vous aussi vous soyez rassurés de l'avenir dans vos affaires. Le gouvernement s'est engagé à assainir le climat des affaires. Nous admettons que les opérateurs économiques contribue énormément pour le développement du pays. C'est pourquoi l'État s'est engagé d'être toujours près de vous pour acheminer ensemble. Le chef de l'État a été traduit en langue française par Moïse Misago. Le président de la République donc estime que les entreprises étatiques devraient être de modèle dans la production des biens de haute qualité. Je vous le disais en titre, la construction de différents barrages hydroélectriques arrive à un niveau satisfaisant. Lors de la présentation des réalisations du premier trimestre de 2020-2021, le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines Ibrahim Ouizeye a précisé que les travaux pour le projet de Gigawatt Global Burundi qui fournira 7,5 MW, touche à leur fin, n'est-ce pas, Mary Kanyang? Oui, lors de la présentation des réalisations au ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines sur l'état d'avancement, se focalisant sur l'état d'avancement des travaux de construction des barrages hydroélectriques, le ministre Ouizeye a précisé que les travaux étaient à un taux d'exécution de 15% pour le barrage de Djidjimuremwe de 49 MW et pour le barrage de Mhanda qui fournira 10,4 MW. La Chambre basse du Parlement burundais a déjà analysé le document y relatif et la recherche de nouveaux partenaires dans la construction de ce barrage était en cours. En ce qui est du barrage hydroélectrique Kabou 16 qui fournira 20 MW au mois d'octobre, le taux d'exécution était de 48%. Côté barrage Ruzibazi, le taux d'exécution était de 55% et la fin des travaux est prévue en début 2022. Lors de la conférence de presse, le ministre Ibrahim Ouizeye a en outre indiqué que les travaux de construction du barrage hydroélectrique baptisé Gigawatt Global Burundi de 7,5 MW a touché à leur fin en ce qui est du projet Soleil Nyakiriza. Analysée et adoptée par les deux chambres du Parlement burundais, la promulgation a eu lieu le 6 octobre de cette année. Et concernant le barrage hydroélectrique de Rusumo Falls, un projet régional entre le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda, et pour 80 MW, le taux d'exécution était de 70% au mois d'octobre. L'autre projet de construction d'un barrage hydroélectrique régional, c'est Ruzizi 3, pour 147 MW. Les travaux, le taux d'exécution était à un niveau satisfaisant, a précisé au mois d'octobre le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines, le ministre Ibrahim Ouizey. Merci Amiri Kanyang. Pas justice à présent, le fait que les magistrats exercent leur métier en violation de la loi organique régissant la mise en application des procès est l'un des défis auxquels font face la justice burundaise. Propos du ministre de la Justice au mardi, au moment où l'Assemblée nationale adopte un projet de loi portant révision de la loi organique portant l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Janine Nibidi appelle la population dont leurs procès ont été exécutés de façon injuste de porter recours au sein du ministère de la Justice pour que celui-ci intervienne. Suivez plutôt la ministre de la Justice. Au niveau de la justice, si vous voulez, nous avons déjà fait ce constat. Et l'on se demande où était le juge qui a rendu le jugement. Était-il aveugle? Et l'on trouve qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans le traitement de ce dossier. Après avoir fait ce constat, nous avons prévu cette cinquième disposition qui stipule qu'en cas de jugement définitif, sans recours, que si vous voulez, on peut saisir le ministre de la Justice, ce qui est attribué au ministère de la Justice en ce qui est de la révision des jugements, vu les irrégularités observées pendant le déroulement du dossier, et les justiciables réclament la révision du jugement ou son annulation. Et le ministre de la Justice, en concertation avec ses conseillers et d'autres organes techniques, trouvez que les justiciables ont raison et l'on donne des orientations avec des détails juridiques qui montrent à quel niveau les irrégularités ont été observées et une fois que les jugements sont remis ou ces irrégularités ont été observées pour correction et suite à l'agenda caché derrière le traitement du dossier, le jugement reste tel qu'il était. La ministre Jeanne Nibiza a été traduite par Elinibel Nibigira. Les habitants de la province de Bouvanza ne sont pas suffisamment sensibilisés en matière de solidarité. Cela se remarque même chaque dernier samedi du mois de juillet où les aides collectées pour les vulnérables sont en très petite quantité. Cela a été dit par le conseiller social du gouverneur de cette province. C'était ce mercredi lors d'une réunion de sensibilisation sur le fonds d'appui à la protection sociale d'État avec Space Caritas Cavagnan. Le dernier samedi du mois de juillet chaque année, c'est la journée de solidarité dans cette province de Bouvanza où les administratifs donnent une assistance aux vulnérables, laquelle assistance est collectée au niveau de toute la population. Le conseiller socio-culturel du gouverneur de Bouvanza dit que cette aide, composée souvent de vivres, de vêtements, d'argent et autres, est en petite quantité par rapport au nombre de nécessiteux. Il appelle les administratifs à la base ainsi que d'autres bienfaiteurs à mobiliser de plus la population afin qu'elle comprenne les bienfaits de la solidarité. Gaspard Moliquier a également précisé que la commune Manda est la dernière des autres communes de Bouvanza en ce qui est de l'adhésion aux associations de mutualité de santé. Il a dit ce mercredi lors d'une réunion de sensibilisation sur la mobilisation des fonds pour le fonds d'appui à la protection sociale FAPS en sigle. Les responsables de ce fonds ont expliqué qu'il a déjà accompli le programme liée aux soins de santé pour les personnes âgées ainsi que le soutien aux associations de développement. Pamphile Nsengiyumva, assistant du coordonnateur du FAPS, a dit que les programmes réalisés sont encore peu nombreux suite au manque de moyens. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. C'est sur cette correspondance de Space Caritas Kabanyana que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Aimé Toussaint Mitebouti qui était de l'autre côté de la vitrine à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nziko Banyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous. Et surtout, joyeux anniversaire à Madame Lydie Gahimbari.